À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, l'Association générale des Coréens en Chine a organisé le 14 la cérémonie à Shenyang, Chine. Les participants ont écouté à la télévision le troisième chapitre pour la réunification du pays dans l'indépendance du rapport d'activité du comité central prononcé par le camarade Kim Jong-un au 7e congrès du Parti Travail de Corée. Après les interventions, on a adopté la lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, à la même occasion et le même jour, la société de Yambian de l'Association générale des Coréens en Chine a organisé une cérémonie.